Chapitre 9e. Un sous-marin fantôme. Le matin du 21, ce fut un soleil éclatant qui les éveilla. De nouveau, le ciel était pur. Pourtant, le thermomètre marquait juste zéro. Les deux aviateurs, sentant la nécessité de se rationner, n'absorbèrent que la moitié du pain et du poulet qui leur restait. De plus, ils burent chacun un verre de Bordeaux. Puis, tandis que sans patience allait prendre sa faction près du pavillon, l'ingénieur, profitant du calme de la mer, eut l'idée de vérifier sur place la nature de l'avarie qui les avait privés de l'hélice. Au prix de 1000 difficultés, il parvint à s'avancer en rampant jusqu'à l'extrémité de l'arbre. Là, il put constater que le propulseur s'était simplement détaché, par suite probablement d'un serrage insuffisant et de l'usure d'une clavette. Rien n'était brisé, le pas de vis était intact. Si l'ingénieur avait eu, au moment de l'accident, le moyen d'aller à la recherche de l'hélice qui, étant en bois, devait surnager, il eût été possible de remonter le propulseur à l'aide d'écrous de rechange dont, à tout hasard, on s'était muni. Et l'ingénieur se reprocha amèrement de n'avoir pas eu l'idée, au cours d'un de leurs arrêts forcés, de surveiller de près le fonctionnement et la tenue de cet organe essentiel. Vers 10 heures, sans patience, toujours perché sur le fuselage, aperçut dans l'est une lointaine fumée. Mais ce vapeur, si c'en était un, ne devait pas les voir, car il disparut bientôt. Dans l'après-midi, l'ingénieur, dont c'était le tour de faction, crut voir à 100 ou 150 mètres de leur appareil une sorte de plaque qui brillait au soleil et qui se dressait verticalement au-dessus de la mer. Ce qui frappa le plus l'ingénieur, c'est que cette chose semblait se mouvoir lentement en s'éloignant d'eux. Un instant même, par suite de la houle, il lui sembla distinguer au-dessous de cette plaque une sorte de tige dont on ne voyait que la naissance. L'ingénieur cria aussitôt à son patient de lui apporter sa jumelle. Mais quand son ami arriva sur le fuselage, la chose avait disparu et l'ingénieur ne vit plus rien que la houle. « Vous avez vu quelque chose ?» interrogea sans patience. « Oui, ou plutôt j'ai cru voir. »« Quoi ? Un objet qui ressemblait à un périscope, à 150 mètres de nous. » Un périscope? Mais alors ce serait un sous-marin? Évidemment, si c'est bien un périscope que j'ai vu. Mais j'ai dû me tromper. Ce n'était peut-être qu'une de nos boîtes de conserve vides. Car comment penser qu'un sous-marin s'aventurerait à pareille distance des côtes? Et puis, si ça avait été un sous-marin, la première idée de ceux qui sont à son bord n'aurait-elle pas été de nous secourir? Les choses en restèrent là. Au crépuscule, l'ingénieur descendit de son observatoire sans avoir vu rien de nouveau. Et tandis que, lentement, le soleil disparaissait, les deux hommes s'assirent, accablés. Cette fois, ils le sentaient bien, à moins d'un miracle, c'était la fin. Les quelques vivres qui leur restaient étaient à peine suffisants pour un repas. Après, ils étaient voués à la mort, à la plus terrible des morts, à la mort par la faim et par la soif. Longtemps, ils restèrent là, sans parler. Sans qu'ils s'en aperçussent, la nuit était venue, pendant qu'ils remuaient en eux des pensées désespérées. « Ah ! » s'écria tout à coup l'ingénieur. « Pourquoi n'ai-je rien prévu ? Pourquoi n'ai-je pas emporté un de ces petits canots de toile qui se plient, qui ne pèsent rien et qui tiennent si peu de place ? Qu'en auriez-vous fait ? » répondit sans patience. « Ce n'est pas avec un simple canot de toile que nous aurions pu franchir les centaines de kilomètres qui nous séparent du continent américain. Non, mais l'hélice est intacte, or elle est tombée à la mer, où elle surnage. » Elle ne doit pas être bien loin de nous, dans un rayon de 1 ou 2 milles peut-être. Le canot nous aurait permis d'aller à sa recherche et de la retrouver. J'ai les écrous de rechange, comprenez-vous? À quoi bon revenir sur ce qui s'est passé, dit sans patience. Quant à moi, je serai seul que j'accepterai mon sort avec résignation. Mais vous, mon ami, vous que j'entraînais dans cette aventure téméraire, voilà mon remords, voilà ce qui me tue. Je ne m'explique pas vos remords. Si vous vous en souvenez bien, ce n'est pas vous qui m'avez entraîné, mais moi qui ai voulu vous suivre. Je n'aurais pas dû accepter. Je savais cette aventure pleine de périls. Mon devoir était de ne pas vous faire courir ces risques. Vous n'êtes pas seul dans la vie, mon ami. Eh, je le sais bien, s'écria l'ingénieur avec une impatience douloureuse. Pourquoi me parler de René, en ce moment où j'ai besoin de tout mon courage? Puisque nous sommes sur ce sujet, mon ami, laissez-moi vous dire qu'avant de partir, j'ai fait mon testament. Et que dans ce testament, je vous ai légué tout ce que je possédais à vous, ou à votre défaut, à votre sœur. Ce n'est pas grand-chose, mais cela permettra du moins à Mademoiselle Renée de vivre indépendante. Vous avez fait cela ? Dit l'ingénieur ému. Alors je ne regrette rien. Que m'importe la vie si Renée n'est plus exposée à la misère qui m'a tant effrayé pour elle ? Oh, je n'ai pas eu grand mérite d'aller, prononça sans patience avec mélancolie. Ne me remerciez pas. Et puisque je suis en train de me confesser, je puis bien vous avouer une chose qui, j'en suis sûr, en tout autre moment, vous ferait bien rire. Bon, pour ce qu'il reste à vivre, je ne veux plus avoir de secret pour vous. Figurez-vous que j'ai un faible pour votre sœur, mon ami. Vous ? Oui, moi. C'est ridicule, n'est-ce pas ? Un hérisson de mon acabit qui s'amuse à aimer un ange. Vous ne riez pas ? Mon pauvre ami, rire ? Pourquoi ? Je n'y songe guère. Vous m'étonnez, voilà tout. Jamais je n'avais songé que vous pourriez penser à René autrement qu'en camarade. Et qui sait ? Peut-être aurait-ce été là le bonheur de ma chérie. Quant à moi, mon ami, c'est avec joie que je vous aurais vu devenir mon frère. Sérieusement ? Interrogea sans patience. Vous ne trouvez pas ridicule que... Il n'acheva pas. Il se leva tout à coup, indiquant quelque chose du doigt devant lui. « Là ! Là ! » cria-t-il d'une voix étranglée. La nuit n'était pas très sombre. Pourtant, ce fut en vain que l'ingénieur regarda dans la direction qu'indiquait son ami. Il ne vit rien que le flot qui clapotait doucement. « Une espèce de dôme !» expliqua sans patience avec exaltation. « Je vous assure que là, à 20 mètres à peine, tout près de nous, j'ai vu une sorte de tourelle qui émergeait. Vous savez, de ces tourelles que les gravures représentent au-dessus des sous-marins. Elle a disparu presque aussitôt. » L'ingénieur hochait la tête sans répondre. Il ne savait que penser. À quelques heures d'intervalle, tous deux avaient cru voir, sans patience, une tourelle et lui un périscope de sous-marin. Avait-il été victime d'une hallucination ? L'ingénieur ne le pensait pas. Mais si c'était vraiment un sous-marin, à quel motif obéissaient ceux qui étaient à son bord ? Pourquoi ne secouraient-ils pas les naufragés de l'air ? Et se contentaient-ils de monter, pour ainsi dire, la garde autour de leur agonie ? Étaient-ce des ennemis ? Des rivaux, peut-être, jaloux de la gloire dont se seraient couverts les audacieux qui, les premiers, auraient réussi à effectuer la traversée aérienne de l'océan ? Toutes ces pensées se pressèrent tumultueusement dans le cerveau de l'ingénieur. Pourtant, comme leur conclusion tendait nettement à l'aggravation de leur sort, il eut le courage de les taire à son ami. « Le mieux, dit-il à sans patience, le mieux c'est encore de croire que nous avons été victimes tous deux d'une hallucination. La chose ne peut s'expliquer autrement. » Sans patience ne répondit pas. Peut-être avait-il eu la même pensée que son compagnon. Le fanal à réflecteur fut allumé et, silencieusement, les aviateurs se mirent à manger ce qu'il leur restait de vivre. Tous deux étaient persuadés que ce repas devait être le dernier. D'ailleurs, ce qu'ils absorbèrent suffit à peine pour apaiser leur faim. Quand ils eurent fini, ils s'installèrent pour dormir, sans échanger une parole. La fatigue les accablait, mais longtemps l'inquiétude et l'angoisse les tinrent éveillés. Doucement bercés par la houle, tous deux songeaient sans le dire que rien, hormis Dieu, Créateur et souverain, maître des éléments, ne pouvait les sauver. Ils n'avaient plus de vivres, presque plus d'eau. Ils étaient condamnés à périr. Dans quelques semaines, un courant les pousserait sur la roue des navires, et l'on ne trouvera plus que leurs cadavres sur cet aéroplane fantôme, à moins que d'ici là, une tempête ne les ait submergés, eux et leur appareil. Néanmoins, la fatigue fut plus forte que l'angoisse. Au moment où, pour la première fois depuis leur départ, le mince croissant de la lune apparaissait à l'horizon. Les deux aviateurs finirent par s'endormir en écoutant le sourd murmure de l'océan qui semblait se faire câlin pour bercer leur agonie. Mais jusque dans son sommeil, la même pensée hanta sans patience. Alors que les hommes restent impuissants et désespérés, Dieu est toujours là, et Dieu peut tout. Et en lui-même, le ver du noir répétait « Mon Dieu, faites que je meure seul si je dois succomber, mais sauvez le frère de René !»